S'il n'y avait plus d'avenir, que les destins soient arrêtés, plus de rire, plus de tuer, que des regards inachevés. Générique où les noms s'effaceraient. On a sûrement mieux à faire qu'à se laisser aller. On a sûrement mieux à faire, pourtant rien ne se fait. On a sûrement mieux à faire, même à dire la vérité. Sûrement mieux à faire, à quoi bon participer? Et s'il n'y avait que les souvenirs, que le temps s'était arrêté, une âme qui errait, vide, sans y penser. On a sûrement mieux à faire qu'à se laisser aller. On a sûrement mieux à faire, pourtant rien ne se fait. On a sûrement mieux à faire, même à dire la vérité. On a sûrement mieux à faire, à quoi bon participer? Comme un poison qui ferait tourner en rond toute cette haine, tous ces mensonges. Faut-il être manipulé? Faut qu'on arrive à s'en sortir ne sort jamais. Il faudrait que ça tourne en rond.